Parlez, parlez, dis n'importe ça ou voulez. Nous toujours capables de jouer et nous faire commencer. Et nous toujours parler, parler pour nous souffler. Mais parlez, parlez. C'est musique nous qu'a joué. Est-ce qu'on peut ou parler? Parler pour apprécier. Ça nous a réalisé. Pendant ou qu'a parlé. Si t'es ou t'a cherché, t'es ça nous poté. Allez, parlez, ouf. Tout en nous exister, n'a toujours qu'à créer. Nos pensées nous garer, c'est ma chaîne qu'à marcher. Nous toujours qu'à chercher, pour nous faire mon goûter. Ma travail pour musique, moi travail pour penser moi. Parler, parler, parler, parler, parler. Leur pensée nous carré, c'est ma chaîne qu'a marché. Parler, nous toujours qu'à chercher, pour nous faire mon goûter. Parler, parler, parler, parler, parler, parler. N'a toujours qu'à créer. Parler, parler. Pendant que on qu'a parlé, musique qu'à continuer. Parler, parler. N'a toujours qu'à chercher pour nous faire mon coup. Parler, parler. Parler, parler. Parler, parler, parler. Parler, oh, oh. musique, moi travaille pour penser. Parlez, tout en nous existe, n'a toujours qu'à créer. Parlez, nous toujours qu'à chercher, pour nous faire mon goûter. Parlez, pendant qu'on parle.